ton qui tu alors car pourquoi pas ce soir. Oh oh car dis-moi pour ce soir. Tu m'aimes puisque tu me l'as dit. Je t'aime du moins je le pense aussi. Alors car dis-moi pour ce soir. Oui car pourquoi pas ce soir. Et Carole, dis-moi pour ce soir. Le temps qui passe ne m'appartient pas. Dis-moi une chance de rester avec toi. Alors Carole, pourquoi pas ce soir. Oh, oh, oh, Carole, dis-moi pour ce soir. Et Carole, pourquoi pas ce soir. Go! Mais où donc es-tu? Alors Carole,